Allez, on peut y aller, on balance le générique. Yippee-ki-yay, motherfucker. T'as non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, c'est l'épisode 59 et je suis bien entouré avec Manuel Haas. Bonjour Manu, comment vas-tu ? Très bien, et toi Olivier ? Ça va bien, merci. Et de l'autre côté du téléphone, toujours depuis le duplex du parking Cora en banlieue de Liège, il y a Lucien Alflantz. Salut tout le monde. Comment vas-tu, Lucien ? Ça va pas mal. J'aimerais préférer être avec vous, mais voilà. Je pense que tout le monde va plutôt pas mal, étant donné le début d'année cinéphile qu'on a. Je préviens nos chers auditeurs, nos chères auditrices, que nous sommes très très en retard. Alors, plus qu'un podcast sur l'actu ciné, c'est plutôt l'actu Blu-ray DVD, mais ça n'existe plus vraiment. On tenait quand même à les aborder dans le cadre de cette émission, parce que bon, ce sont des quand même gros morceaux. Je pense que... je m'avance un peu peut-être, mais je pense qu'on en aura la confirmation au cours des débats qui vont suivre. Mais soit, aujourd'hui nous allons parler donc de Tar, le film de Todd Field, on va parler de Knock at the Cabin, le film de M. Night Shyamalan, et on parlera en dernier de The Fabelmans, le film de Steven Spielberg. Mais toute bonne émission commence bien sûr par un quiz, et en fait les films d'aujourd'hui, en tout cas les deux que j'ai vus puisque je n'ai pas vu le Shyamalan, les deux films d'aujourd'hui m'ont inspiré la thématique de Dieu à l'écran. Alors, Shyamalan, ça marche aussi. Hein. tant mieux. Alors, et comme on parle pas aujourd'hui de Astérix 5, je sais plus, l'Empire du Milieu, je propose que pour prendre la parole, vous disiez partout Tatis. Voilà. Donc le premier qui dit partout Tatis, je lui donne la parole. Okay. On peut pas dire Guillaume Canet à la place ? Non, on dit partout Tatis. On ne parle pas de Guillaume Canet, on parle de Astérix. Tu vois, un trésor de la culture française, franco-belge d'ailleurs. Franco-belge, absolument. Ok. Alors, première question. Attention, il y en a 6, mais elles sont un peu liées. Je me suis donné. Alors, première question. Quel film de 1981 est considéré comme la dernière vraie contribution à l'écran du superviseur des effets spéciaux Ray Harryhausen ? 81, qu'est-ce que ça pourrait 81. Être 81, un rapport avec Dieu. Un rapport avec des dieux. C'est pas le choc des titans. Exactement, le choc des titans de Desmond Davis. Excellent. Partout Tatis, le choc des titans. Excellente réponse, merci. Ah ouais, je croyais que c'était plus ancien que ça. Moi. Et non, 81. Dans ce film d'ailleurs, deuxième question, qui interprète le rôle de Zeus ? J'en ai pas la moindre idée. Je pense que je vais vous donner un indice. Il joue dans un film de Mankiewicz avec Michael Caine, un acteur anglais. Le limier ? Tu parles de Kenneth Branagh. Non, Kenneth Branagh a fait un remake. Exactement, ouais, Kenneth Branagh a fait un remake de ce film. Hein, donc. Je ne sais plus qui joue avec Michael Caine. Ah ben si, c'est Laurence Olivier. Ah voilà, mais enfin, partout Tatis, vous avez partout un point Tatis. Chacun. Qui interprète le même rôle de Zeus dans le remake de 2010 signé Louis Leterrier. Alain Chabat ? Non, je sais pas. C'est Liam Neeson. Ok, donc ça fait un point chacun, même pour Olivier qui a préparé le top. Ok. Bon, allez, beaucoup plus facile. Quel film Cécile B. 2000 a tourné deux fois ? Les 10 commandements. Partout à 10, les 10 commandements. Voilà, deux points pour Manu, les 10 commandements. Ok, et d'ailleurs, qui signe la musique du film de 1956, les 10 commandements de Cécile B. 2000 ? Il y a un rapport, indice. Il y a un rapport avec un des films du jour. Partout Tatis, Jerry Goldsmith. Partout Tatis, non pas du tout, par Jupiter. Bernstein. Bernstein, mais le prénom ? Elmer Bernstein. Elmer Bernstein. Fatalement. Yeah. Elmer Bernstein, donc petit-fils de Leonard Bernstein. Et ça fait 3 points pour Manu. Dernière question, très difficile par contre celle-là. Dans le View Askew Universe, créé par Kevin Smith, quelle chanteuse canadienne interprète deux fois le rôle de Dieu ? Partout Tatis. Yes. Alanis Morissette. Excellente réponse. Bon, voilà, ça fait 2 points pour Lucien, 3 points pour Manu. Vous avez quand même bien joué. J'en ai qu'un des deux, hein, cela dit. Dogma 99 et Jay and Silent Bob contre-attaque en 2001. Voilà, merci messieurs. Bon, et eh bien, pour ce... merci pour ce beau top. Normalement, Manu, tu aurais dû gagner le droit de faire les relances, mais j'ai pas super bien préparé mon émission, alors j'ai pas de relance. Tu peux balancer la bande-annonce de Tar. If you're here, then you already know who she is. Lydia Tar is many things. As a conductor, Tar began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she at last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tar as its principal conductor, and she's remained there ever since. Lydia Tar has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all 4 major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro. Thank you. How's the writing going? Not so well. I keep hearing something. Schopenhauer measured a man's intelligence against his sensitivity to noise. Do you ever find yourself overwhelmed by emotion? Yes. Précédé d'une réputation élogieuse depuis la dernière Mostra de Venise où Cate Blanchett a reçu la coupe Volpi de la meilleure actrice et à peu près 47 prix d'interprétation depuis, Tar, c'est le 3e long-métrage de Todd Field, acteur, scénariste et réalisateur américain, qui a été repéré en incarnant le pianiste Nick Nightingale dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick en 99. Avant de se faire davantage connaître en tant que réal, avec In the Bedroom en 2001, c'était avec Sissy Spacek, et Little Children en 2006 avec Kate Winslet. Alors, Tar, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de la chef d'orchestre Lydia Tar, qu'on rencontre au top de sa carrière. Elle donne des cours à l'université de Juilliard à New York. Elle va sortir un livre hyper attendu et surtout, elle dirige un orchestre philharmonique à Berlin avec lequel elle s'apprête à donner sa version de la 5e symphonie de Mahler. En privé, elle habite un immense appartement berlinois avec sa compagne Sharon, qui est aussi son premier violon, et où elles élèvent ensemble leur fille Petra. Mais insidieusement vont remonter à la surface quelques abus de pouvoir et autres dérapages manipulateurs qui vont petit à petit révéler les failles de Lydia Tar et amorcer sa chute. Alors, outre Cate Blanchett, on retrouve au générique l'acteur anglais Mark Strong, qu'on connaît bien de The Kingsman. Mark Strong avec des cheveux. Et oui, là, ici, il a des cheveux, en effet. La française Noémie Merlant, qui sera bientôt Emmanuel. Ou encore l'allemande Nina Hoss, vue dans Barbara de Christian Petzold en 2012. La musique est de Hildur Guðnadóttir, qui avait aussi travaillé sur Sicario 2, un film dont on avait parlé ici, en 2018. Et la photographie du film est signée de Florian Hofmeister, qui a travaillé avec Terence Davis ou encore Scott Cooper sur Affamé. Notons enfin que le film est une coproduction entre les USA et l'Allemagne, où la majeure partie d'ailleurs du film a été tournée. Ça y est, j'ai fini mon intro. C'est à Lucien de commencer sur ce film. Lucien, comment te sens-tu avec Lydia Tar ? Fort heureusement, visiblement, je n'ai pas beaucoup passé de temps avec elle, mais j'ai eu l'occasion de la regarder d'un point de vue extérieur. Et le film qui lui est consacré est quand même un film assez passionnant, un film extrêmement plein et sur lequel il est... Enfin, c'est difficile de l'attaquer, on ne sait pas trop par où commencer pour le débroussailler, je veux dire. Alors, je vais peut-être revenir sur les choses qui, moi, m'ont le plus marqué parmi toutes celles que le film brasse. J'ai trouvé que c'était un film qui était assez intéressant et même, je dis plus qu'intéressant, assez juste sur le pouvoir et sur le trajet de celui-ci, hein, de manière parfois plus allégorique, mais parfois assez directe, sur les rejets que le pouvoir implique, sur la déconnexion automatique avec le reste du monde que ça implique aussi. En fait, ça peut être vu comme un film... sur l'impossibilité de la gouvernance, ou en tout cas sur l'impossibilité d'une gouvernance saine, je vais dire. Ce serait un film anarchiste ? Alors, anarchiste, je sais pas, parce que je pense que le film est très ambivalent sur énormément de choses qu'il développe. C'est, je pense, une de ses grandes forces. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche assez bien dans le film, c'est que quasiment tous les écarts de Lydiatar, en dehors du monde clos, de la grande musique, relèvent tout simplement du film d'horreur. Tu parles notamment des scènes où elle est hantée par des bruits, où elle se promène dans son appartement, mais ça, à la limite, c'est encore son appartement, mais quand elle se promène dans le monde extérieur, je veux dire, dès qu'elle sort de chez elle et quand elle va chez la voisine, bon, ben voilà, c'est une vision d'horreur auquel on assiste. Quand elle essaye de rejoindre sa violoncelliste pour lui remettre un ours en peluche, on est aussi dans des codes. Quand elle va courir dans les parcs, elle entend des cris. Ça revient énormément. Et alors, l'autre chose, moi, qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est sa gestion. Et c'est tout à fait logique par rapport à ce que le film montre. C'est la façon dont le film montre le délitement du rythme interne de cette chef d'orchestre à travers ses propres variations de rythme en tant que film. Et il fait ça sur toute la longueur de la narration, mais il fait même ça dans le rythme interne des scènes qui se calque en fait sur celui du film dans son ensemble. Elle démarre très régulièrement par une mise en valeur, je veux dire, plastique et cérébrale de la protagoniste, jusqu'à s'accélérer et perdre un peu le rythme et dévoiler sa monstruosité. Je pense qu'une des scènes les plus parlantes là-dessus, c'est celle où elle donne cours... c'est Juilliard, hein, c'est ça que tu disais dans l'intro. Ouais. Où elle donne cours à Juilliard. Qui est la troisième scène du film à peu près. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà le cas dans la scène d'ouverture, en fait. Hein. Elle démarre en étant un monstre de charisme, on va dire. Un monstre, enfin, quelqu'un d'assez fascinant, de très malin, de très, très élégant, très... Enfin, qu'on... Tout de suite, un vrai personnage de cinéma et qui, à chaque fois, va aller vers sa part de cruauté un peu plus froide et manipulatrice. Et ça, je trouve, c'est... Bon, voilà, si je dois sortir deux choses de ce film qui est extrêmement plein, comme je le disais, ce sont ces deux choses-là. Ce qui est fascinant dans le film, c'est que c'est un film qui s'approche de thématiques qui sont dans l'air du temps et qui sont assez casse-gueule. Oui, carrément. Sur une certaine toxicité, sur un rapport aussi à la woke culture ou la manière dont le personnage se fait, entre guillemets, canceller au cours du récit. Et à travers tout ça, on ne va pas forcément parler de woke culture, mais le fait d'apposer de l'idéologie dessus aurait pu rendre le film un petit peu scolaire, entre guillemets. Sauf que le film vraiment propose une dialectique autour de ça hyper intéressante. Et sur ce sujet, qui est quand même un sujet ultra miné, il arrive à faire du cinéma, à toujours se poser à la frontière. C'est-à-dire, tu parlais, sans vraiment l'expliciter, cette scène qui se passe, où elle donne cours, qui est un long plan séquence, où en fait, elle va dialoguer avec un élève qui oppose une réticence à interpréter donc du bac sous... prétexte de qui était Bach et de son comportement hors du champ artistique. Et donc, elle condamne ça. Et donc, d'une certaine manière, tu peux avoir une forme d'adhésion au discours qu'elle tient. Sauf qu'il est ce qui est intéressant, c'est toute la manière dont il déplace la scène, le mouvement du personnage, comment elle finit par dominer et humilier dans l'espace le personnage, qui offre une dialectique entre ce qui est dit et ce qui se passe à l'écran, entre guillemets, comment elle exerce son pouvoir. Et c'est quelque chose que le film installe dès le début, parce qu'en fait, on va le voir relativement tard, Lydiatar diriger un orchestre. Le film commence par réellement la création de la statue du commandeur. C'est-à-dire Lydiatar, le film commence avec un discours qui est tenu sur elle et on retarde le moment où elle exerce pleinement son art. Et où on est déjà dans cette problématique qu'installe le film, qui est ce rapport effectivement du pouvoir, cet aspect corrupteur, entre guillemets, où elle s'est perdue en chemin. Et là où le film est hyper intéressant, c'est que tout au long du récit, plusieurs séquences font écho à entre guillemets, le mal qu'elle a pu le faire dans le passé, mais le film entretient suffisamment une frontière floue pour que elle ne passe jamais réellement à l'acte pendant le reste du film. Elle est comptable d'un comportement passé qui est amené à se répéter, mais qui n'est jamais réellement franchi pendant le film. Et c'est là que le film avance dans une zone trouble hyper intéressante, c'est qu'il est sans équivoque sur ce qu'elle a fait à une de ses élèves. Je veux dire, il y a vraiment un plan très clair dessus, mais c'est quelque chose qui est relégué dans le passé du film et qui se rejoue avec cette jeune violoncelliste. Mais où elle se situe à une frontière où il n'y a jamais de bascule. Et en plus, dans ce jeu de pouvoir, elle n'est pas forcément le seul monstre du récit, quoi. Chacun a aussi sa part d'ombre, que ce soit son assistante, cette jeune fille, même si elle est responsable parce qu'elle est en haut de la chaîne alimentaire. Mais le film est plus ambigu, ambivalent que ça. Et sans dévoiler la fin du film, et ce qui est très beau aussi, c'est que la fin du film, c'est qu'il, entre guillemets, on la ramène. Il n'y a pas, justement, contrairement aux gens qui peuvent s'offusquer sur le fait qu'on puisse canceller certaines figures artistiques, etc., elle n'est pas cancellée, elle retourne juste là où elle devrait être, c'est-à-dire au service de son art et d'un public. Absolument, ouais. Tu parles d'ambivalence, j'en parlais aussi, mais c'est fou à quel point le film, en fait, c'est un film super intéressant là-dessus aussi, sur l'ambivalence même, je veux dire. Parce que tu parlais de tout ce que le film questionne, c'est un film, en effet, tu dis qu'elle arrive plus tard comme chef d'orchestre, mais le film n'est pas moins intéressant là-dessus. C'est un film qui questionne l'art, qui questionne les créateurs dans toute leur ambivalence, sans jamais donner aucune réponse précise. Ça passe par le rejet des grands artistes sur des critères basés sur leur moralité, leur humanité, on appelle ça ce qu'on veut, comme on veut, sur l'appropriation culturelle, sur les rapports entre prostitution et performance, sur énormément de choses. C'est un film qui questionne l'ingérence par rapport à tout ça. C'est un film qui questionne... comme le dit très bien, à un moment, j'ai plus le terme exact, mais comme le dit très bien la protagoniste Lydia Tarr, à un moment, très bien. Elle dit un truc qui est super intéressant et qui soulève énormément de questions aussi, je pense. Elle parle, elle dit dans cette même scène à Juilliard, elle dit à cet élève qu'elle est en train d'acculer, elle lui dit quelque chose comme « mais ne soyez pas si impatient d'être indigné » ou quelque chose comme ça. Et enfin, tout ça, en fait, c'est à chaque fois à travers des petites bribes, et comme tu dis, qui sont toujours en parfaite adéquation entre ce qui se passe théoriquement, ce qui est dit, et ce que la manière dont le film le met en place. Et donc, en fait, tu termines le film en n'ayant pas vraiment de réponse exacte en n'ayant pas une thèse, en n'ayant pas un discours arrêté. Le film te permet de te poser énormément de questions pendant le film et de t'élever d'une certaine manière. Là-dessus, c'est un film très, très réussi. Maintenant que t'en parles, Manu, c'est vrai qu'on la voit assez tard diriger un orchestre. D'ailleurs, je me demande même si la première fois qu'on la voit diriger, c'est pas via ce plan qui est vraiment en très très forte contre-plongée, qui donne aussi une des affiches du film. Donc vraiment, on l'a déifié complètement le personnage. Alors, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Il y a plusieurs lignes que moi je voulais aborder, notamment, vous en avez parlé, mais la question de l'empathie, en fait. L'empathie que tu vas avoir avec ce personnage, t'es extrêmement travaillé, toi, en tant que spectateur, vis-à-vis de ton rapport au personnage principal, sachant que c'est quand même le personnage... je crois qu'il y a deux scènes très très courtes où elle n'occupe pas tout l'espace, où elle n'est pas au cœur de la scène. Et du coup, en fait, le truc, c'est que comme on te l'a montré complètement déconnecté, complètement dans cet exercice du pouvoir malsain, le fait que ça se craquelle petit à petit et que toi, t'as quand même, vu que tu la vois et que t'es avec elle, t'as quand même des affects sur elle, ton empathie va bizarrement grandir vis-à-vis d'elle. Et au fur et à mesure qu'elle chute, même si quelque part tu te délectes de sa chute ou que tu te dis quand même que c'est bien fait pour sa gueule, t'as un rapport vraiment très très particulier au personnage qui est assez passionnant, je trouve. Et ouais, au niveau des décors aussi, c'est particulièrement intéressant, ce film, parce que tout est dans des aplats, tout est extrêmement ordonné. C'est un film où il y a beaucoup beaucoup de plans très larges où on voit vraiment tout le décor, et tout est extrêmement c'est des aplats, tout est extrêmement ligné, tout est extrêmement maîtrisé. Mais le seul décor où il n'y a pas ça, c'est quand elle retourne chez elle à la toute fin du film. Non, mais justement, quand elle retourne, c'est très intéressant, le décor qui est sa maison d'enfance, qui est beaucoup plus oppressant, beaucoup plus... c'est en lambris, il y a plus de bordel, il y a des caisses qui traînent, enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus désordonné. Et surtout, il y a cette scène qui est presque un cauchemar, comme le disait Lulu, où elle descend à la recherche de cette violoncelliste, où là, c'est carrément les murs qui sont moisis, c'est humide. T'es chez Polanski, hein, la plupart du temps, il y a vraiment ce rapport au thriller et à la paranoïa que tu as dans les films films réussis de Polanski, quoi. Ouais, moi aussi j'y ai pensé. Et alors, ce qui est drôle, c'est que justement au sortir de cette scène, elle va littéralement tomber par terre et heurter le sol, donc retomber vraiment et renouer vraiment avec le sol qu'elle avait complètement quitté tout au long de la première partie du film, puisque que tu l'as dit, qu'elle va cacher après, en plus. Ouais, ouais. Mais tu l'as dit, elle est quand même en chemin pour exercer sa manipulation sur cette jeune violoncelliste, mais quelque part, elle est déjà plus... on sent qu'elle est plus en totale maîtrise parce que cette violoncelliste va lui échapper. Aussi parce qu'elle est dans d'autres codes. Elle découvre la musique sur YouTube, ce genre de choses. Il y a d'autres... Elle est dans une autre... elle rentre pas vraiment de cette espèce de rapport de domination extrêmement d'admiration et de domination. C'est aussi ça qui plaît au personnage de Tar. Oui, et puis je pense qu'elle revoit cette Crystal, c'est ça, cette jeune élève qu'elle a eue. Krista, ouais. Qui elle aussi montrait, je crois, avec une teinture rousse, etc. On voit pas son visage. Dont les traits pourraient être identiques, et donc il rejoue cette ambiguïté-là, quoi. Mmh. Sauf que tu vois à certains moments que le dialogue qu'a Noémie Merlant visiblement avec cette Krista pendant une partie du récit peut être à un moment vu comme un dialogue aussi avec cette jeune violoncelliste, à des moments avec des échanges par téléphone où elle commente, entre guillemets, certains moments de la vie de Lydia, où tu as une ambiguïté sur qui est en train de dialoguer avec qui, quoi. Mmh. Et il y avait aussi un truc... Paul Schrader a tweeté apparemment sur ce film en disant que c'était un chef-d'œuvre jusqu'au dernier quart d'heure. Moi, je trouve au contraire que les dernières 20 minutes du film sont assez magistrales et surtout ramènent quelque chose de fondamental au film, quoi. Il y a ce moment où donc, on spoil, hein. Spoilers ahead, voilà. Elle se retrouve en Thaïlande, donc dans un pays, on va dire... qui est en voie de développement, et où là, la domination s'exerce principalement via l'argent et non plus par une espèce de stature. Et le fait qu'on puisse avoir ce rapport de domination qui est magistralement incarné dans cette scène où elle va au salon de massage, ça la fait littéralement vomir. C'est un truc où, genre, elle était dans des vieux codes, cet art séculaire de la musique classique, où elle a acquis cette place difficilement au cours de 30 ans, et en effet, au fur et à mesure, en montant les échelons, elle a oublié d'où elle venait. Et là, elle retourne dans une place où juste sa position économique la remet dans cette situation, et je trouve ça assez fort. Et sur cette fin aussi, cette fin qui est quand même hyper ambivalente, hein, c'est vraiment, est-ce qu'elle vit une espèce de purgatoire de la musique symphonique, ou est-ce qu'au contraire, comme tu le dis Manu, elle se met au service du public. Se met au service du public, voilà, et elle renoue avec un rapport, c'est un truc qui a été amorcé aussi dans la scène où elle regarde les vidéos de Leonard Bernstein, où elle renoue vraiment avec son rapport à la musique et à l'émotion première que l'art est censé transmettre. Et là, elle est dans une salle où il n'y a plus les codes, le fatras de cet univers hyper fermé. Bourgeois. Hein. Ouais, voilà, tout à fait bourgeois. Mais par contre, il y a un vrai rapport émotionnel et affectif à la musique. Et moi, j'ai trouvé cette fin vraiment... Enfin, vraiment grandiose, quoi. Vraiment hyper intelligente. Et ce qui est fort, c'est que c'est aussi un film dont tu as du mal à déceler la direction qu'il va prendre et où se dégage un très grand personnage de cinéma, quoi. Très bien, bah merci messieurs. Même s'il y a énormément d'autres choses à dire sur le film, comme on l'a vu qu'une seule fois, on va pas épiloguer. Mais donc, je pense un film qu'on recommande. Voilà, louez-le à votre vidéoclub. bon, maintenant on va parler de Knock at the Cabin, le film de M. Night Shyamalan. We're not here to hurt you, but you have to stay here in the cabin with us. Families throughout history have been chosen to make this decision. Your family must choose to willingly sacrifice one of the three of you to prevent the apocalypse. We're not sacrificing anyone. For every no you give us, hundreds of thousands of people are going to die. Close your eyes. Will you make a choice? You have to somehow trust us. We're normal people just like you. It doesn't matter. None of us believe you. We will never choose anyone. Knock at the Cabin, c'est donc le nouveau film de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, réalisateur scénariste, starifié au tournant du millénaire avec Sixième Sens, et puis Incassable, et puis Signe. Incassable, il s'est quand même fait bâcher la gueule dessus. C'est pas forcément un film qui l'a installé. C'était quand même un film qui a été vivement critiqué. Hein. Ouais, mais il y avait quand même une grosse hype hein, dessus. En France, en tout cas. Moi, la réception, le souvenir que j'ai de la réception d'Incassable en France, c'était quand même une bonne grosse hype. Hein. Soit. Et puis ensuite, c'était le purgatoire. Hein. Il y a eu La Jeune Fille de l'eau, il y a eu Prémonition, il y a eu pas mal de films. Le Maître de l'air. Ah oui, oh là là, le dernier Maître de l'air, tout à fait. Et puis, depuis quelques années, il y a un peu une espèce de retour de hype avec Split, puis il y a eu The Visit, il y a eu Glass, mais bon, là, c'était un peu... on en a parlé ici, on n'était pas très enthousiastes. Mais bon, soit. Donc, M. Night Shyamalan revient avec ce film qui s'appelle Knock at the Cabin, avec Dave Bautista, Jonathan Groff et Rupert Grint. Entre autres, c'est un film qu'il a donc co-scénarisé, comme à son habitude, adapté d'un bouquin de Paul Tremblay. Et je n'ai pas vu ce film, mais je connais le pitch. Le pitch, en gros, c'est que c'est un couple et leur petite fille de un truc comme 7-8 ans qui vont passer le week-end dans une cabane dans les bois et quatre inconnus les prennent en otage et leur disent qu'en gros, ils doivent sacrifier l'un des leurs ou sinon l'apocalypse surviendra. Est-ce bien ça, Manu, toi qui commences sur ce film de M. Night Shyamalan? Alors oui, une petite précision, il s'agit d'un couple de deux papas. Parce que ça, je pense, son importance dans la mise en tension du film. Moi, je suis un peu emmerdé en... Même dans la narration. Voilà. Moi, je suis un peu emmerdé en l'état dans... Parce que c'est plutôt un bon film. En tout cas, c'est un film très soigné, tout comme Old, le film précédent de Shyamalan, moi que j'avais beaucoup aimé. Je sais que Lucien a des réserves dessus. Le film est tourné en format large, en 2.39, en scope, en pellicule. Il y a vraiment un sens du découpage qui est vraiment indéniable. Et même thématiquement, c'est un film qui travaille des idées plutôt passionnantes, notamment comment justement un des parents voit sa vision du monde altérée par ses propres peurs. C'est le film est assez intéressant à ce niveau-là, dans la bascule, entre guillemets, de cette mise en tension de croyance à ce que réellement une apocalypse va se dérouler, ou il s'agit juste d'un jeu de manipulation. Mais moi, le souci que j'ai, c'est que c'est au-delà de tout ce savoir-faire, c'est que tout simplement, je grille le film dès son intro. Et ça, c'est quand même un gros souci que j'ai du mal à comprendre de la part de Shyamalan. Bon, Shyamalan n'est pas forcément d'une grande ambiguïté sur ses films, mais là, il y a en tout début de film, en un seul plan dès le début, alors je pense que ça tient autant au découpage de Shyamalan que au jeu de Dave Bautista, qui est à mon avis un des gros soucis du film. En un reaction shot, quand le personnage découvre que la jeune fille a deux papas, le plan est sans équivoque sur la découverte qu'a le personnage de cette situation-là. Donc tout ce qui met en tension le reste du film, pour moi, s'écroule. Tu sais que cet enjeu-là, entre guillemets, du jeu de manipulation, entre guillemets, de cette sorte d'expédition punitive qui serait de remettre dans le droit chemin ce couple perdu, ne tient pas la route. Quand il réagit, tu sais exactement le fond de sa pensée. T'es dans un gros plan, ça triche pas. Et donc, ça défausse complètement toute la mise en tension qu'il pourrait y avoir autour du film. Ok, Lucien ? Bah, en fait, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Manu sur les qualités, plastiques et de mise en place, de mise en scène, graphique, tout ça du film. Je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait qu'on grille très vite, en tout cas... La logique de la présence de ces quatre personnes qui arrivent dans cette cabane au fond des bois. Maintenant, il y a tout le trajet émotionnel de ces personnages qui, même si on, d'un point de vue tension, ne marche pas tout le temps parce que on peut avoir grillé les tenants et aboutissants chez eux, il se passe quand même quelque chose chez nous en tant que spectateurs. Parce que alors c'est peut-être un peu théorique. En fait, moi, alors par où commencer? Par où poursuivre le tien. Ouais. En fait, moi j'ai beaucoup vu le film à travers, en effet, sa lecture peut-être plus théorique et surtout à l'aune de la filmographie de Shyamalan, que même si, en effet, comme vous le disiez tous les deux un peu plus tôt, on a pu le laisser tomber de mon côté, en tout cas... Après La Jeune Fille de l'eau, et même bon, La Jeune Fille de l'eau, etc., c'était déjà ça m'intéressait déjà moins. Mais moi, par exemple, je fais partie de ceux qui défendaient encore beaucoup Le Village. J'avais en effet retrouvé des choses qui m'intéressaient dans Old, mais là, je trouve que il reconnecte vraiment à quelque chose qui m'intéresse. Je veux dire, d'un point de vue théorique, dans son cinéma, dans Le Village, Shyamalan il questionnait la logique quasi, je veux dire, dictatoriale du sacrifice. À quel point le sacrifice, celui du contact avec le monde extérieur, peut être une protection en soi et à quel point on peut considérer comme juste son obligation cachée derrière un mensonge. Alors, il questionnait, comme toujours, comme dans plus ou moins tous ces films, la croyance, mais aussi le passé civilisationnel américain, états-unien. Et moi, ce qui m'intéresse dans Knock at the Cabin, c'est qu'il semble reprendre le même questionnement que dans Le Village, mais depuis l'autre point de vue. Pour moi, il pose peut-être la question, est-ce que le sacrifice est-il devenu la seule solution dès lors que certains héros AULTS nous ont démontré, je veux dire, une certaine forme de vérité. Alors, le film, à la lumière, je veux dire, de sa contemporanéité, donne peut-être une réponse plus ou moins claire à cette question. À la limite, moi, la réponse qu'il donne ne m'intéresse pas tellement. C'est tout ce qu'il en fait et tout ce qu'il en fait par rapport à tout ce qu'a déjà pu être son cinéma. En fait, je pense que le film ne fait que creuser le même sillon que ce que Shyamalan a entamé il y a une grosse vingtaine d'années, même une trentaine en fait, presque, et dans lesquels il s'était peut-être un peu empêtré dernièrement. Alors, peut-on croire ? Que doit-on croire ? Où se trouve la réalité ? Dans le mystique, le métaphysique, le scientifique, les sceptiques ou les religieux ? Probablement un peu dans tout ça, les uns ne pouvant peut-être pas, exister sans les autres. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les films que j'estime les plus intéressants et que j'ai cité un peu plus tôt. À la différence que dans ce film-ci, par rapport à ses films précédents, le miracle, le côté fantastique, en fait, n'est plus possible. Comme si, à trop l'avoir disséqué, amené dans ses pires retranchements, il pouvait plus avoir lieu. Et à côté de ça, pour revenir sur l'autre partie de ce qui m'intéresse souvent dans le cinéma de Shyamalan, le regard qu'il pose toujours sur les mythes et les fondements américains, comme si celui-là n'était plus un regard extérieur sur le rapport du peuple américain avec les étrangers, avec ses autres. Hein, c'est très clairement le cas dans Le Village ou dans Signe, par exemple, mais bien de l'intérieur et sur lui-même, en ayant pris en compte ses propres mutations. C'est pas pour rien que le film débute par une scène montrant une petite fille d'origine asiatique adoptée par un couple homosexuel américain, observant et capturant des sauterelles, qui sont pas non plus des insectes choisis au hasard. Enfin, bref. Ça, c'est pas forcément la plus grande finesse d'écriture de Shyamalan sur ça. Shyamalan est clairement pas un cinéaste fin, de manière générale. C'est un cinéaste... Et à la limite, ce que tu dis là me fait embrayer sur peut-être quelque chose qui me semble être l'une des limites du film et à la fois sa grande intelligence. Je pense que sa grande intelligence, c'est de développer toutes ces choses que je viens de dire, pour moi, à travers une narration qui est assez minimaliste, mais qui aurait peut-être pu l'être davantage, en se passant peut-être, à mon sens, de contextualisation et donc d'une partie des flashbacks, même si je pense qu'il y a des flashbacks qui sont assez intéressants. Moi, je pense que je pense que les flashbacks apportent beaucoup au film, parce que justement, ça... Pas tous, ça développe justement, pour moi, une des idées qui est les plus intéressantes du film. Ils construisent le scepticisme des personnages. Mais c'est surtout que ça développe cette idée qu'entre guillemets, le regard d'un des personnages est biaisé du fait de son passé et de la manière dont il vit sa propre homosexualité par rapport à l'autre personnage. Et comment, entre guillemets, ça affecte sa propre réalité, sa vision du monde dans ce qui se passe. Après, tous les éléments que tu mets en avant, effectivement, ils sont passionnants, mais la problématique que j'ai, c'est que c'est quand même des éléments qui restent à un état extrêmement théorique. Moi, par exemple, je parlais effectivement du souci que j'ai avec le cast de Bautista, c'est qu'en fait... À part jouer assez intelligemment dans sa mise en scène de ce physique assez hors norme du personnage, la manière dont il surgit dans la profondeur du cadre au tout début du film, cette première apparition dans le bois, la manière dont il se sert de cette masse pour occuper une partie du cadre, séparer les deux parents, entre guillemets, et donc il y a toute une utilisation de ce corps de Bautista qui est intéressant. Après, le jeu de Bautista est quand même extrêmement monocorde, très emprunté. En fait, tu soulèves plein de choses super intéressantes. Moi, Bautista m'a énormément ému dans le film. Je pense que c'est quelque chose que travaille Shyamalan. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il tient ce personnage-là jusqu'à une certaine forme d'achèvement dans le film, je veux dire. Moi, je trouve Bautista, en fait, justement, dans son côté monolithique, assez intéressant. Et de manière générale, je trouve que le casting est assez malin, en fait, d'avoir pris... alors, je ne vais pas te retrouver les noms, mais d'avoir pris le gars de Mindhunter pour jouer ce personnage qui va un peu switcher du côté sceptique. C'est clairement montré dans le film, dans la manière dont ils sont séparés dans le cadre. Il y en a un qui est l'hémisphère droit et l'autre l'hémisphère gauche. Absolument. C'est très clairement... Ce couple-là n'est qu'une entité en soi, en fait. Absolument. C'est un mot que je vais réutiliser plus tard, entité. Mais... Je pense à l'utilisation d'aller chercher cet acteur-là comme aller chercher Rupert Grint, le gars d'Harry Potter, Dave Bautista, des acteurs qu'on retrouve souvent dans un cinéma plutôt à tendance fantastique, etc. C'est pas aléatoire non plus, je pense. C'est une volonté déjà de mise en scène d'une certaine manière. Pour terminer, en fait, pour refaire le lien avec ce que je disais, je parlais sur les flashbacks, je suis absolument d'accord que certains... Enfin, je pense peut-être que dans cette idée de minimalisme, il y aurait pu avoir moins de flashbacks et peut-être pas l'explication en fin de second acte d'un des deux personnages, d'un des deux parents, qui explique où il en est arrivé dans son cheminement mental, qui est en fait déjà évidente depuis un certain moment dans le film. Je pense qu'on aurait pu passer ça si on voulait schématiser un peu en reprenant deux cinéastes auxquels le film fait pas mal de références, je pense. J'aurais peut-être préféré le film davantage bressonien qu'Hitchcockien, si on disait ça comme ça. Tu parlais d'entité aussi, Manu. Moi, je trouve assez malin le fait de prendre une cellule familiale ultra moderne, en fait, hein, un couple homosexuel avec une jeune fille adoptée d'origine asiatique, et de l'extraire de son environnement pour en tirer une entité, vraiment, comme tu parlais d'hémisphère gauche et droit, mais on est exactement là-dedans. Une entité exclue au milieu des bois, loin de toute chose, sinon de la tension que ça amène de les exclure au milieu des bois, et de les confronter à une forme de... Pour revenir sur les thématiques de Shyamalan, à une forme de passé, je veux dire, ultra-religieux des assaillants, limite fanatique. Je ne sais pas si ça t'a frappé comme ça m'a frappé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas plus vu le film dont je vais parler, donc je m'avance un peu en terrain vague, mais je pense qu'il y a des références, en tout cas picturales et thématiques directes avec le sacrifice de Tarkovsky, hein, dont il recrée carrément certains plans, il développe certains questionnements semblables sans pour autant les amener à la même finalité. Même si à mon sens, là où le film pêche, c'est qu'il y a quand même aussi un déficit de vision. C'est-à-dire quand même tout ce qui a trait à l'apocalypse est quand même très déceptif en termes d'imagerie. Bah, je pense que c'est une très claire volonté de sa part. Ça rejoint tout ce que je disais plus tôt, c'est parce qu'il abandonne le côté fantastique, le côté... Ah non, il l'abandonne pas, parce qu'il est, il abandonne pas, il est clairement du côté fantastique, parce que justement... Ah non, non, moi je suis pas... Enfin oui, si... Bah oui, si, il est clairement, je veux dire, la dimension fantastique est clairement actée pendant le film. Donc c'est quand même ça le truc, et il y a un vrai déficit à la fin du film de montrer cet élément fantastique, et même au cours la manière dont il le montre, même aussi par la télévision, il se répète par rapport à ce qu'il a fait par le passé et de manière beaucoup moins brillante. Je le trouve assez peu inspiré. Je le trouvais pour le coup dans Hold, dans certaines visions, dans certaines propositions visuelles, etc., beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Là, je trouve qu'il reste dans un précaré assez peu inspiré. Ben, moi, je pense... Alors, mon point de vue, c'est que c'est tout à fait volontaire. Je pense que c'est pas pour rien non plus si, en fait... 80% du film se passe en gros plan ou en gros plan relatif, et j'exagère à peine en disant ça. C'est justement pour montrer que tout ça est un rapport direct avec ce qui se passe dans ces personnages, avec leurs croyances. Et je pense que le film se place du côté de la croyance. C'est là que je fais la différence. C'est presque. Oui, mais ça n'empêche en rien cette problématique d'absence de vista dans la manière de montrer ben si, à un moment que, la réalisation de tout ça. Il y a un côté presque réaliste, en fait, dans cette fin, quand ils repartent en bagnole, etc. Moi, je lui trouve... je la trouve très émouvante, justement, parce qu'elle a un côté un peu... je trouve peut-être pas ça déceptif comme toi, mais je veux dire, un côté presque réaliste dans cette imagerie-là, et pas... Mais là, la séquence de fin dans la voiture n'est pas liée à une imagerie. Moi, je te parle vraiment de la sortie de la cabane. Donc, à un moment, tu as clairement acté l'élément fantastique, puisqu'il se déroule à l'extérieur de la cabane, il est présent dans le ciel, et c'est, au-delà de l'intégration assez limite des effets spéciaux, etc., il y a vraiment une problématique de montrer cela, et c'est assez étonnant, là, notamment le travail qu'il aurait pu avoir sur le hors-champ, sur plein d'autres éléments, ce qu'il travaille régulièrement dans le film. Là, je trouve que tout d'un coup, sa mise en scène un peu s'écrase sur cet élément-là, quoi. Je sais pas, peut-être que j'étais tellement pris émotionnellement, moi, à ce moment-là dans le film, que ça ne m'a pas, que j'ai pas fait attention à ça, mais en tout cas, moi, je le voyais comme une, enfin, voilà, comme je viens de l'expliquer. Et alors, peut-être un dernier truc, c'est parce que je pense que le film est assez, c'est un autre degré de lecture du film, et je passe dessus extrêmement rapidement, c'est qu'il est presque une démonstration, émotionnel de la nécessité d'aller vers la décroissance, en fait. Se séparer de notre confort, aujourd'hui cruellement synonyme de bonheur, pour avoir une chance de se sauver. Et ça, ça passe par le sacrifice au sein même de la cellule familiale. Et ça, je trouve le film assez malin là-dessus. Tu tires quand même beaucoup. C'est assez littéral. C'est pas de l'exégèse de ma part, ça. Franchement... Moi, je pense que si, hein, honnêtement, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui tend dans le film à ce propos-là. Si, déjà tous les... La notion de sacrifice, je veux bien. La notion de décroissance, je pense que là, pour le coup, c'est toi qui extrapole à partir du sacrifice. Ouais, après, c'est aussi un autre boulot, hein, mais c'est pas pour rien qu'il prend un foyer familial moderne. C'est aussi pour le recontextualiser dans le monde contemporain, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. C'est pas pour rien que toutes les catastrophes qui arrivent, bon, c'est aussi lié à tout ce qui se trouve dans la Bible, mais sont à chaque fois des catastrophes liées à ce qu'on pourrait appeler catastrophe climatique. Ça c'est juste l'élément religieux. Et donc sur c'est juste une assise réaliste de l'élément religieux qui développe dans le film, hein. que ça soit les sauterelles, que ça soit les plaies d'Égypte, on y revient, qui leur tombe sur la gueule, quoi. Pour moi, là, je pense que t'extrapoles sacrément pour en tirer un rapport à la décroissance. Non, moi je pense que c'est pas pour rien tout ça, enfin que tout ça est clairement lié. Je suis connaissant, enfin voilà, on se souvient aussi de Phénomène de Shyamalan qui avait déjà un propos assez direct là-dessus. Non, moi je suis certain en fait à 100% que c'est une volonté de sa part. Très bien, messieurs, je pense qu'on ne vous réconciliera pas sur ce point, donc je vous propose d'aller boire des bières ensemble jusqu'au bout de la nuit pour en parler exclusivement de ce point-là. Est-ce que Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan propose un propos sur la décroissance? Très bien, merci messieurs, et je vous propose que nous passions maintenant au film The Fabelmans de Steven Spielberg. Voilà, j'ai donc demandé un petit tapis sonore de Jean-Sébastien Bach pour parler maintenant de The Fabelmans, le nouveau film de Steven Spielberg, qui est peut-être un de ses meilleurs, on en parlera, mais en tout cas, sans doute un de ses plus émouvants, et notamment dans une scène qui se joue sur cette musique. Voilà. Inspiré des propres souvenirs d'enfance et d'adolescence de Steven Spielberg, The Fabelmans raconte la jeunesse et l'adolescence de Sam, seul garçon au milieu de trois sœurs dans une famille juive américaine que la brillante carrière d'ingénieur du père va trimballer du New Jersey vers la Californie en passant par l'Arizona. En parallèle de la chronique familiale, le film raconte évidemment le rapport au cinéma du jeune Sam et son apprentissage progressif de la puissance d'un art dont il deviendra l'un des plus grands maîtres. Alors, devant la caméra, on retrouve Paul Dano et Michelle Williams dans les rôles des parents Fabelman. Il y a aussi Seth Rogen dans le rôle de l'oncle Benny, ou encore Gabriel Labelle, il faut le citer, et oui, puisque c'est celui qui joue Sam adolescent et jeune adulte. Le scénario est coécrit avec Tony Kushner, avec qui Spielberg a beaucoup écrit ces dernières années. Il y a eu Munich en 2005, Lincoln en 2012 et West Side Story en 2021. Au rang des fidèles, on retrouve Janusz Kaminski à la photographie, John Williams à la musique, et le montage est co-signé cette fois avec le fidèle Michael Caine et Sarah Brochard, qui je crois qu'ils co-signent le montage depuis 2-3 films quand même. Alors, c'est moi qui commence sur ce film. Pour parler du film, en fait, je voulais revenir sur le fait que c'est inspiré de l'enfance de Spielberg, mais ça s'appelle pas les Spielberg, ça s'appelle les Fabelmans. Et fable, ça veut dire fable, n'est-ce pas, en yiddish ou en allemand. J'ai vérifié, merci Wikipédia. Enfin, merci Internet plutôt. Et donc, ce film est quelque part une fable, c'est-à-dire dans le sens où il est légèrement un peu plus haut que la réalité, c'est-à-dire qu'il est légèrement outrancier, on va dire. Ça se voit dans le jeu des acteurs, je trouve, du côté de Paul Dano, du côté de Michelle Williams. Et la démonstration progressive de la puissance de l'art cinématographique, les démonstrations auxquelles Sam va être confronté au fur et à mesure du film sont tellement éclatantes que c'est un peu bigger than life. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment passé comme ça, vraiment dans la réalité. Tout est un peu extrapolé pour faire sens. Et d'ailleurs, ce film, qui a une construction un peu bizarre, se termine sur un conseil qui dit que quand on filme quelque chose, les bas sont intéressants, les hauts sont intéressants et qu'au milieu, c'est boring as shit. Donc ici, il pousse un peu les potards, n'est-ce pas, de la réalité pour aller plutôt sur la fable. Pour le coup, cette anecdote qui conclut le film, la confrontation avec le cinéaste John Ford, est une anecdote que Spielberg rabâche depuis des années, qui s'est visiblement réellement passée, parce que quand tu l'entends la raconter, elle se déroule exactement comme elle se déroule dans le film. On pourrait parler longtemps de cette scène-là, mais bon, soit. Et donc, je reviens à mon truc de fable, que tout est un peu extrapolé dans ce film, mais légèrement, je veux dire, c'est légèrement poussé par rapport à la réalité. Tout est signifiant. Tous les mouvements sont signifiants. Et pour vraiment parler d'un exemple précis, je vais parler du premier plan du film. Donc, le premier plan du film, le jeune Sam va voir The Greatest Show on Earth, sous le plus grand chapiteau du monde. De Cecil B. 2000. Et ses parents l'emmènent, et il a un peu peur devant le... Il hésite un peu à y aller dans la file pour rentrer dans le cinéma. Et alors là, à un moment, donc, Paul Dano, qui joue son père, se baisse à son niveau, puisque la caméra est au niveau du jeune garçon. Paul Dano s'abaisse, la caméra pivote pour cadrer les deux en two shot et Paul Dano explique c'est la persistance rétinienne. Il explique 24 images secondes, ça crée l'illusion du mouvement, machin. Et après qu'il ait expliqué ça, c'est au tour du personnage de Michelle Williams de s'agenouiller et d'arriver donc à hauteur de Sam. Là, la caméra pivote de nouveau pour cadrer le petit garçon et sa mère. Et elle lui dit « Mais tu sais, les films, c'est de l'art, c'est du rêve. » Et donc, en gros, t'as vraiment... les deux pendant du cinéma, c'est-à-dire art et industrie, ingénierie et rêve qui se mêlent et qui sont représentés par ces deux figures qui sont le père et la mère. Et bien sûr, le jeune Sam va devoir jouer avec les deux pour devenir ce qu'il est. Voilà, donc c'est extrêmement littéral, extrêmement clair et extrêmement poussé dès le début du film. Et c'est un ton qui, moi, m'a vraiment... attiré tout de suite dans ce film et qui est du coup provoqué chez moi des émotions extrêmement fortes. Voilà, c'est un film dans lequel j'ai pleuré à de nombreuses reprises et qui en plus, je finirai là-dessus, qui communique une joie de filmer, une joie de créer, une joie de faire du cinéma qui est absolument dingue. C'est-à-dire le plan de grue où il tourne son film de guerre et où on voit les figurants qui changent de place pendant le plan pour aller se remettre à une autre place pour que la fin du cadre, il y ait encore des figurants. C'est ce plan de grue-là, rien que ça, la jouissance du bricolage, de l'effet du do-it-yourself. C'est vraiment un film qui est extrêmement ravageur, quoi. C'est surtout un film aussi, moi je connais assez peu de films qui ressemblent à The Fabelman, qui arrive à synthétiser à la fois ce qui est de la chronique familiale avec l'entièreté de la filmo de son auteur. Quoi. D'une certaine manière, ça serait un peu les 400 coups et la nuit américaine en un seul film. Quoi. La manière qu'il a de tisser les liens entre cette chronique familiale, le rapport à ses parents et la création de son art, entre guillemets, son approche du cinéma, puisque le film se divise vraiment quasiment en presque trois temps au niveau de cette notion d'apprentissage, puisque tu as l'aspect un peu ludique au tout départ, la fabrication pure, la recréation. Puis après arrive ce moment charnière qui est presque au milieu du film, qui est le moment où on se retrouve à la puissance même du cinéma qui est capable de révéler ce qui est devant les yeux de tout le monde et que personne ne voit et que lui découvre, donc va découvrir l'adultère de sa mère. Spoiler! C'est comment il arrive à synthétiser ça avec une limpidité, une simplicité dingue, mais qui est le trait de tous les films de Spielberg à ce niveau-là. Et la dernière partie où carrément on bascule dans un domaine qui est presque du domaine du fantasme, tout d'un coup tout s'entremêle, le vrai du faux, qui pour moi donne lieu à une des plus belles scènes du film, qui est cette scène où la brute qui le martyrise, une des deux brutes qui le martyrise au lycée, se retrouve filmée comme un demi-dieu lors de la fête de fin d'année, et le mec, au lieu de réagir en étant flatté, est complètement déstabilisé et se sent complètement dépossédé de son image. Et tu te retrouves dans cette scène-là où Spielberg est incapable de lui expliquer pourquoi il l'a filmé comme ça. Ses raisons sont multiples, il n'en sait même lui rien. Lui est complètement désemparé vis-à-vis de ça. Et tu te retrouves avec cette imbrication de tout ce que peut être le cinéma, qui est magnifique. Et le film passe son temps à à filmer des gens qui regardent un écran et à te faire comprendre ce qui se passe entre les deux, entre les réactions sur ces visages et ce qui se passe à l'écran, de donner à comprendre et à ressentir la puissance de l'art cinématographique dans ce qui se joue entre le fantasme, le réel, et c'est assez dingue la manière dont le film arrive à structurer ces deux parcours, la nécessité qu'a le personnage du jeune Sammy, c'est ça, que donc le Sam, le Sam, tout le monde l'appelle Sammy, mais lui dit Sam, le double de Steven Spielberg dans le film, il va recréer cette séquence qui l'a traumatisé, qui est la séquence du train, l'accident de train, du train, et donc ça passe par le fait que sa mère à un moment va lui prêter la caméra de son père en lui disant que ça va être leur secret à eux deux, ce qu'ils vont partager. Et ce qui est intéressant, alors déjà, t'as une scène auparavant où il recrée l'accident de nuit et ce qui fait sauter du lit ces deux parents qui sont saisis dans un mouvement où c'est au départ eux dans un miroir qui se lève avant d'arriver sur eux. Et donc tu as déjà ce crash de train qui est annonciateur de ce qui va se briser dans le couple. C'est pas innocemment, par exemple, la décapotable qui se retrouve sur les rails du train dans le film de 2000 est la même quasiment décapotable que celle de l'oncle, l'ami de la famille. Il y a cette manière où le film anticipe par le cinéma ce qui va se dérouler dans le monde réel. Et c'est pas pour rien que justement après cette séquence où sa mère lui confie la caméra en lui disant c'est notre petit secret, c'est la première fois où l'oncle apparaît dans la maison en portant la mère Fabelman, donc la grand-mère Fabelman, mais en appelant Madame Fabelman. Donc le film est d'une intelligence dans sa construction scénaristique assez dingue. Ouais, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Vous avez tous les deux développé une idée qui m'intéresse beaucoup et avec laquelle je suis en parfait accord, qui est cette idée du fait que le film avance un peu toujours sur deux étages à la fois, sur deux chemins à la fois. En fait, c'est un film qui ne fait peut-être que questionner les mécanismes psychologiques de chacun de ses personnages, mais de personnages aimés par l'auteur, et donc chacun d'entre eux est étudié à travers la sentimentalité de Spielberg par rapport à eux. Alors cette espèce de déchirement entre la dissection psychologique et le regard nostalgique et enamouré de Spielberg en fait vraiment, je trouve, une œuvre incroyablement intelligente et lisible et absolument implacable émotionnellement. Comme vous l'avez dit, c'est un film extrêmement émotionnel. Voilà, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais je trouve quelque chose dont vous avez peut-être pas encore énormément parlé et dont qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est la manière dont il va utiliser l'image et surtout le montage, en fait la révision et la manipulation des images comme un révélateur de vérité. C'est un constat superbe sur lequel de nombreux immenses metteurs en scène se sont déjà attardés. Hein. On pense à Antonioni, Argento, Scott, De Palma. Énormément d'autres. De Palma, oui, bien sûr. Mais à ma connaissance, jamais quelqu'un ne l'avait fait aussi directement lié à l'essence de l'amour du cinéma, de manière aussi littérale en tout cas. Et c'est en soi, je trouve, un très beau travail, un très beau geste à la fois critique et de cinéaste. Je trouve que c'est vraiment le film est très juste là-dessus. Alors, parmi les nombreuses choses que je trouve très appréciables dans le film, c'est aussi la volonté de Spielberg qui semble peut-être avoir bien pris en compte les conseils de Ford, de ne pas sortir, parce qu'on pourrait se dire, voilà, Spielberg fait son film sur le cinéma, sur son amour du cinéma. Bon, déjà, il a d'une certaine manière toujours fait ça, hein. Mais voilà, il sort pas le petit manuel du bon cinéaste ou même un pensum sur ce qu'est ou devrait être le cinéma et même l'art en général, mais juste une variation autour d'une approche. Il montre le cinéma, son cinéma, comme une mutation de la réalité, capable de créer un refuge révélateur autant du monde qui l'entoure que de celui qui l'habite. Et ça, je trouve, c'est vraiment une très très belle idée. Et même, à travers ça, d'avoir un impact concret sur ces 10 mondes, je veux dire. Et le film joue beaucoup sur ce rapport de cause et de conséquence quasi cyclique que peut avoir l'art sur le monde. Il y a le jeu du miroir pendant la scène du divorce, la mise en scène de son oppresseur au lycée. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça dans le film. Et je trouve que Spielberg montre avec énormément d'humilité la naissance de sa croyance en sa capacité à sauver, ou en tout cas à révéler le monde à travers la lumière. Alors, celle captée par la caméra, d'ailleurs, le film joue énormément de faisceaux lumineux pour aveugler la caméra ou aveugler les personnages. Et je pense qu'il en va d'un acte fondateur de son cinéma, comme ça a pu l'être chez Wells, avec sa fiction radiographique adaptée d'Orwell, ou bien chez Friedkin avec son film sur Paul Crump, People versus Paul Crump, je sais plus exactement le titre. C'est ça. Donc au final, je pense que, enfin voilà, je trouve le film vraiment super malin là-dessus aussi, et voilà, il montre qu'au final tout n'est question que de point de vue. Je pense à nouveau, c'est assez malin, t'en parlais Manu, mais le nombreux mouvement de caméra au sein d'une même image déjà composée et qui participe à modifier le point de vue. On pense à la découverte de l'idylle adultère, on va dire, rentre typiquement là-dedans. Mais il y a aussi le fait d'avoir capturé quelque chose. D'ailleurs, c'est ça, j'ai revu l'abandonnant, c'est marqué Capture Every Moment. Ouais, c'est ça que je disais. Ouais. D'avoir capturé ce moment-là. Et donc, du coup, que le fait de pouvoir le voir, le revoir, ça te révèle une vérité qui t'avait échappé à la base, quoi. Ouais, et bien le fait, le déplacement de point de vue par la suite, dans les scènes où il monte ces images, où il se rend compte de ça, t'as des mouvements de caméra sur cette image-là. Sur l'image qui a été filmée, sur l'image qui est rediffusée dans sa machine de montage, sur son petit banc de montage. Et en fait, tout le film fonctionne là-dessus, sur des bifurquements de points de vue. Moi, pour moi, cette scène-là, donc cette scène de découverte de l'adultère, suivie de la scène où sa mère comprend qu'il a compris, et puis la scène avec l'oncle Ben dehors, là, je pense que là, sur ces trois scènes-là, on a vraiment le... Je pense que Spielberg n'a jamais été aussi fort émotionnellement dans ces 20 minutes-là que depuis 82 et E.T., quoi. En gros, plus ou moins. Mais, t'exagères un peu, mais... Non, mais ce qui est impressionnant, c'est de se dire, avec le recul qu'il a sur cette histoire-là, de continuer malgré tout à garder un aspect presque juvénile dans la manière de le montrer, tout en ayant fait le travail de reconstruction, de recomposition, parce qu'on sait aussi que dans la réalité, les choses ont été beaucoup plus complexes dans la séparation, dans plein d'éléments. Il condense certains éléments, mais avec une vraie empathie pour ses deux parents, sur ce qui s'est déroulé, ce qu'il a compris au fil des années. Mais il le filme avec ce point de vue d'enfant, je trouve, qu'il arrive à restituer à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire, il y a un aspect de jubilation qui est montré dans le film, dans la création, mais notamment aussi dans plein d'autres séquences. Là, c'est la première séquence où Spielberg, du moins, Sam va faire connaissance avec sa première petite amie. Dans la scène, la scène est d'une drôlerie. Le film est très drôle. Ouais. Le film est régulièrement extrêmement drôle. Ouais. La présence de l'oncle, plus grande nature. La séquence dont je parlais, pour moi, qui est une des plus belles séquences du film, qui est la séquence avec la brute dans le couloir après la projection. Le film est régulièrement jubilatoire, en fait. C'est quelque chose qui marche assez bien. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Manu, mais il y a un truc qui est... En fait, moi, j'ai passé le film avec les larmes aux yeux et un sourire aux lèvres, quoi. Mais vraiment, du début à la fin. Et je pense que le fait que Spielberg ne filme que, ou quasi que, des personnages qu'il aime, ou au moins pour lesquels il a de la sympathie, il joue là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une tendresse pour chacun des personnages, avec toutes leurs qualités et tous leurs défauts, qui est incroyable. Et c'est pas pour rien, évidemment. C'est aussi par rapport au côté juvénile que tu disais, c'est quelque chose qui est en soi émouvant, le fait qu'il ait attendu cet âge-là, peut-être attendre aussi la disparition de ses parents pour oser aller là-dedans. Je trouve ça... très émouvant, et malgré ça, malgré le côté, cette forme de candeur qu'on retrouve souvent dans le cinéma de Spielberg, malgré la drôlerie, malgré l'émotion, c'est un film, et je trouve que c'est quelque chose que moi je retrouve régulièrement dans le cinéma de Spielberg et dont on parle très peu, mais c'est un film qui a une forme de cruauté aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent, mais qui est peut-être rarement mis en avant ou seulement à travers la facétie. On peut retrouver ça à travers l'humour dans plein de ses films. Mais je trouve qu'ici, il met en scène cette forme de cruauté. Alors cruauté est peut-être pas le mot le plus juste, mais il met en scène ça de manière beaucoup plus visible, avec une forme de voyeurisme que le côté autobiographie romancée lui permet. Et il fait souvent ça dans la juxtaposition entre deux scènes. Passer, par exemple, de scènes de désir et de vie à une scène de mort et de désolation. Alors, il fait ça très régulièrement. Moi, il y a eu un moment qui m'a dévasté justement un peu là-dessus. C'est tout le moment où t'as le home movie. Ouais, et qui s'enchaîne avec la mort de la grand-mère. Non, je parle d'autre chose. Le home movie où il y a la maison à Los Angeles qui a finalement été construite et donc Paul Dano fait la visite de cette maison et ça finit sur la femme, Madame Fabelman qui rentre et t'as un gros plan sur son regard où toi, comme tu sais ce qui se passe, tu sais ce qu'il y a derrière les images aussi puisque t'en sais plus que, enfin voilà, et qui se coupe avec l'annonce que les parents font à leurs enfants qu'ils divorcent, ouais. Quoi. Là, il y a quelque chose d'extrêmement brutal. Ouais. C'est un exemple parfait de ça. Mais et ce qui est marrant, c'est que malgré toutes ces bifurcations et qui sont très régulières dans le film, bah, le film reste, et c'est une marque de fabrique chez Spielberg, mais d'une fluidité confondante. Quoi. C'est un film qui prend des angles droits toutes les 5 minutes et qui, malgré ça, est extrêmement fluide. Ce qui est quand même un tour de force en soi. Oui, comment il synthétise des idées, la scène de mort de la grand-mère. T'as la mère qui est collé physiquement à sa mère, le père qui est en train de regarder cet oscilloscope, et lui qui regarde juste le pouls, qui comprend ce qui est en train de se passer à ce moment-là, juste par un... C'est sublime. Ce gros plan, c'est un trait de génie qui est confondant. Absolument. Petite question, c'est pas, parce que comme on le dit, il y a énormément de films, énormément de scènes pardon, dans le film qui sont extrêmement émouvantes. Quelles sont les scènes qui vous ont le plus ému? Mais moi, je l'ai dit, la découverte de l'adultère, ouais. La mère qui apprend ça. Le rapport qu'il y a entre Sam et sa mère qui est biaisée par rapport à ça, qui, elle, se retrouve en position quelque part d'être un peu dominée par son fils à ce moment-là. Et puis la scène avec l'oncle Benny derrière qui offre la Bolex. Et puis il y a eu... Ça, moi aussi, je m'y attendais tellement pas en plus. J'étais extrêmement ému par cette scène. Ouais, ouais, et puis la visite truquée de la maison de rêve. Voilà, côté home movie fantasmé. Et je voulais juste revenir sur la scène finale avec John Ford. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a... Donc David Lynch joue John Ford, et il y a presque... David Lynch arrive à ramener encore presque un côté lynchien dans cette scène, c'est-à-dire que le moment où il va allumer son cigare, qui est étiré, c'est presque lynchien, c'est assez jubilatoire. Moi, je crois que c'est pas pour rien. Cette scène-là, je parlais de questions de point de vue tout à l'heure, d'ailleurs, il le met en scène de manière extrêmement littérale dans le dernier plan du film, avec un recadrage, c'est absolument génial. Changement de point de vue aussi au sein même de la scène. Hein. On a la musique de, si je dis pas de conneries, c'est la musique de La Prisonnière du désert de Searchers. Mais qui switch qui se coupe comme d'un coup, enfin avec un bruit même de scratch, et qui enchaîne avec un plan de Ford qui coupe son cigare. C'est vraiment là, c'est absolument génial. Et en plus, je pense que c'est pas pour rien sur la question du point de vue et des ruptures, au-delà de la ressemblance physique qui donne le rôle de Ford à Lynch, quoi. Parce qu'en fait, voilà, on a tout là-dedans. On a deux opposés du cinéma. Et voilà, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Et donc, le moment qui t'a le plus ému, Manu ? Moi, c'est les moments où il mélange justement cet aspect à la fois tragique de ce qui se joue dans l'art cinématographique et une forme de jubilation. C'est la séquence où il explique à ce jeune soldat le dernier plan de son film, et tu sens qu'il est en train de projeter, lui joue beaucoup mieux qu'entre guillemets la scène que l'acteur, et comment il projette en fait tout ce qu'il n'arrive pas à parler au sein de sa famille, qui moi à la fois m'émeut et à la fois me fait rire. C'est où il mélange ça, la scène dont j'ai plusieurs fois parlé, qui est la scène d'après-balle dans le couloir, où tu d'un coup tu es comment perdu dans les émotions des personnages et tu es déstabilisé. C'est plus justement quand il montre cet entre-deux entre la jubilation et le tragique que le film m'aime le plus en fait. Très bien, merci messieurs. Je pense qu'on tient un bon contender pour notre top 10 de fin d'année. Je propose que nous passions maintenant au conseil, puisque Harry Callahan a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Dernière ligne droite de cette émission magnifique, Lucien Alflant, c'est son conseil. Bah ouais, moi je vais vous parler du dernier film de Pierre Salvadori, qui est un cinéaste dont je n'adore aucun film, mais dont j'aime tous les films que j'ai vus. Voilà, c'est un cinéaste dont on parle assez peu, mais ici on retrouve, pour les connaisseurs de son cinéma, c'est vraiment une relecture enfantine de ce qu'il adapte d'habitude dans son cinéma adulte, je vais dire, de tout ce qui fait la sève du cinéma de Salvadori, à base de vulgarisation de quelques préceptes politiques, du refus de toute logique pour embrasser l'élan vital de ses personnages, je vais dire, et toujours avec ce même humour et cette même tendresse d'une candeur assez troublante. Voilà, c'est un très beau film qui coule de manière extrêmement fluide. Et c'est un beau film pour enfants. J'ai pu entendre en sortie de salle des gens parler d'amoralité, etc. Mais moi, je trouve que c'est toute la force du film. Eh bien, merci Lucien pour ce conseil. Je crois que tu seras d'ailleurs le seul de la soirée à dire le conseil, puisque Manu, pour une fois, pêche. Il n'a rien vu, il n'a rien lu, il n'a rien entendu. Et moi-même, comme je suis à nouveau jeune papa, j'ai à peine pu voir deux films pour préparer ce transmission que j'ai mal préparé avec des jingles mal lancés, mais c'est pas grave. Merci beaucoup chères auditrices, chers auditeurs de nous avoir écoutés. On va bientôt revenir avec un nouvel épisode d'actualité en espérant être un peu plus dans l'actualité. D'ici là, peut-être que vous aurez vu le film de Darren Aronofsky, un cinéaste qu'on adore ici. Ah, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu ? Vous voulez que j'en parle vite fait ? Bah allez, tu peux dire trois mots. Trois mots, merde. Flaque. Lourd. Lourd. Étonnant. Pachydermique. moins mauvais que ce que j'attendais, mais loin d'être bon pour autant. Ok, bon, c'était pas trop mal, Lucien. Tu t'en sors pas mal pour un mec qui a plutôt la logorée facile. Merci. Je t'emmerde. Merci Lucien, merci Manu. Merci beaucoup chères auditrices, chers auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et on est aussi sur Acast, Podcast Addict, Google, Spotify, tout le bazar. Spotify, beaucoup de choses. Voilà. Et puis mettez-nous des étoiles, des commentaires et tout. On adore ça. Parlez-en à vos amis. Voilà. Merci beaucoup Lucien, merci beaucoup Manu, à très bientôt, allez au cinéma, merci, ciao. Les gars. Merci les gars.